la paix, le travail, la patrie. Aimons-nous les uns les autres. En avant, le Cameroun. l'occupation, coquée dans le Cameroun. Oh, oh, oh, sauvegarde dans l'unité. Demain, Jonah va pour sa solidarité. Défendons mon peuple à Kribi. Chez le Lorraine, le Serge Benayé. Sauvegardons l'unité.